Nous sommes mardi 16 novembre. Madame, monsieur, bonjour. Voici les grands titres de cette édition. Suite aux grognes de certains voyageurs se rendant à l'étranger, selon lesquels ils sont rançonnés lors des résultats au COVID-19, le ministre burundais de la Santé met en garde toute personne auteur des malfaçons à l'INSP. Et 5 personnes sont dans les mains de la police à Rumonge depuis hier soir et sont accusées d'avoir trempé dans la mort d'une personne de la colline Mwangé. Vous l'entendrez dans cette édition. Dans cette édition, on ira également en province Muyinga pour parler des arriérés de près de 5 ans aux enseignants vacataires. Et en province Bubanza, on vous parlera des inquiétudes des riziculteurs de la commune Emanda quant au dosage de l'engrais Fomi. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Séraphine Hakizimana. Rebonjour et bienvenue. Bonjour, page santé pour débuter cette édition. Le ministre de la Santé publique appelle les gens à fournir des informations discrètement quant à leur demande de dépôt d'ovins sur le dépistage au COVID-19. C'est au moment où il y a des grognes selon lesquelles ceux qui font des voyages à l'étranger sont testés positifs afin qu'ils donnent de l'argent. Et ces personnes disent qu'il y a des gens à l'INSP qui les rançonnent. C'est parmi le personnel donc de l'INSP et dans le but de changer. Et les résultats, docteur Tade Ndikumana indique que ceux qui seront attrapés seront traduits devant la justice. On l'écoute au micro d'Arthur Kavaouchi. Effectivement, nous avons entendu ces dires et nous avons investigué en collaboration avec la direction générale de l'INSP et d'autres services de sécurité. Nous n'avons pas encore identifié des complices. Et nous demandons à cette population de pouvoir nous indiquer discrètement ceux qui font ce genre de mauvaises prestations pour qu'on puisse les interpeller et les soumettre devant la justice. Mais sinon, normalement, ceux qui demandent des services pour voyager, normalement, ils font l'enregistrement en ligne, ils obtiennent un rendez-vous. Une fois le rendez-vous obtenu, ils se présentent ici à l'INSP pour le dépistage. Et après, on leur envoie les résultats à domicile via leurs emails ou leurs téléphones mobiles. Alors, il est surprenant de comprendre qu'il y a des gens qui viennent chercher les résultats à l'INSP. Et il y a un téléphone sur lequel il faut téléphoner si tu as des difficultés. Et on t'oriente comment télécharger un certificat. Ce n'est pas indispensable de venir ici à l'INSP. Il arrive des fois même des gens qui, à cause du retard ou, je ne sais pas, pour tricher, ils viennent ici pour demander des services physiquement, alors que c'est cela qu'on a évité. Donc, nous sommes sur la trousse de ces gens. Une fois appréhendés, ils seront soumis à la justice. Mais sinon, nous interpellons la population à ne pas aussi se faire piéger par des commissionnaires parce que le service est rendu moyennant le paiement des frais de certificat à l'OBR et pas autre chose. Docteur Tade Ndikumana, ministre burundais de la Santé publique, parlons médias à présent. Le cadre d'expression des malades du Burundi, Semabou en sigle, félicite la radio Isanganiro pour ses 19 ans d'existence. Selon le porte-parole de cette organisation, ce médium contribue significativement au développement du pays. Sylvain Habanabakiz estime toutefois que les émissions politiques ne devraient pas être les seules à prendre plus de place que les autres. On l'écoute. Je profite d'abord de cette occasion pour remercier la radio-télévision Isanganiro parce que votre radio-télévision vraiment essaie de mettre des émissions qui aident les Burundais dans tous les secteurs. Et en tant que citoyen, j'apprécie très positivement votre façon de travailler parce que vous éditez des éditions, même des émissions qui aident les Burundais, qui nous enseignent, qui nous donnent des renseignements. Vraiment, en tant que citoyen burundais, j'apprécie très positivement les travaux de la radio. Télévision Isanganiro. Vous avez beaucoup d'émissions, mais vous privilégiez souvent les émissions politiques. Il fallait voir comment quand même donner des occasions pour d'autres émissions, parce que vous savez qu'il y a des émissions qui sont souvent suivies et qui sont aimées, qu'il faudrait voir comment quand même dans ces émissions intégrer d'autres émissions, on peut dire les émissions en rapport avec la culture, en rapport avec l'économie, et ne pas prendre beaucoup de temps sur les émissions qui visent la politique. Sylvain Habanabakize, porte-parole du Semabou. Et l'anniversaire de la radio Isanganiro, c'est le 18 novembre. Il a commencé ses émissions, c'était le 18 novembre 2002. Parlons sécurité. À présent, 5 personnes de la colline Mwangé, en commune et province Lumongue, sont locataires du cachot de la police de Lumongue. Depuis le soir de ce lundi, subissent un interrogatoire sur leur part de responsabilité dans la mort d'un habitant de cette colline, battu jusqu'à mort l'après-midi de ce lundi, selon l'administration locale et la police de Lumongue. Le chef collinaire de Mwangé appelle sa population à saisir les instances judiciaires en cas de conflit. Le point avec Jean-Pierre Misago. Toutes ces personnes ont été arrêtées après la mort d'un certain Sadi Kinono vers 14h de ce lundi, selon des sources sur place sur la sous-colline Mbuga, colline Mwangé. L'un d'eux est le principal accusé dans ce meurtre. Deux autres sont poursuivis pour ne pas avoir assisté une personne en danger. Un autre est le propriétaire du cabaret où ils avaient été pour étancher leur soif. Et le cinquième est celui qui devait aux défunts une somme de 4800 francs burundais, selon des sources policières à Lumongue. Mais bien avant cet incident, le défunt partageait un verre avec celui devenu par après son bourreau. Un conflit né après que le défunt ait réclamé 4800 francs burundais au frère du présumé auteur de ce meurtre, selon Bizimana Leonidas alias Bahati, chef collinaire de Mwangé. Ce chef collinaire appelle ses administrés à rompre définitivement avec la justice populaire, mais de se confier aux instances compétentes en cas de différend. Bahati rappelle qu'il est strictement interdit aux cabaretiers d'ouvrir pendant les heures de service et à ceux qui les fréquentent d'éviter de mélanger plusieurs sortes de boissons qui conduit à une extrême ivresse. Jean-Pierre Misago de Lumongue, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Poursuivons cette édition à 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro et sépare la rubrique agriculture. Des riziculteurs de la colline Nyamabere, en commune Mhanda de la province Bubanza, s'inquiètent de l'utilisation et du dosage de l'engrais FOMI. Des inquiétudes vite dissipées ce lundi par le ministre burundais de l'Environnement, Agriculture et Élevage. Deogide Rurema a affirmé que le fertilisant FOMI Totaraza est disponible lors de sa descente. Le point avec Yvette Nijimbere. La descente du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage a été motivée par des grognes de la population de la province Bubanza sur la qualité de l'engrais FOMI Totaraza. Deogide Rurema tranquillise ses agriculteurs. La fabrication des engrais organominéraux de FOMI sont entachés de quelques erreurs, notamment en ce qui concerne la matière utilisée pour ça, la matière organique, ainsi que le sable dont faisait allusion qui se trouvait dans les engrais distribués dans la province de Mwanza. Quant au directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage, Emmanuel Ndikubaganwa, la distribution de l'engrais FOMI Totaraza a été retardée par la pénurie du carburant. Le président de la coopérative, Ibagiribza Baye, soulève la question du dosage de l'engrais FOMI Totaraza. Je ne dirais pas que l'engrais FOMI Totaraza n'est pas efficace, mais le problème est que nous sommes obligés d'utiliser une grande quantité de cet engrais. Nous ne sommes pas habitués à son usage. Vous pouvez nous aider et réduire les prix de cet engrais pour notre bien. Si tu mets dans ton champ une grande quantité d'engrais, la production est bonne. Mais pour les gens qui n'ont pas de moyens, c'est très difficile d'avoir une production car ça cause des retards. Sur cette question, l'ingénieur Willy Irakodze conseille à ses riziculteurs de respecter le dosage prescrit par la FOMI. Mon conseil, c'est qu'ils respectent le dosage. La grande quantité de l'engrais qu'ils utilisent n'est pas adéquate car ça a un impact négatif sur les cultures et la production. Le ministre Théo Guidelourema a par la suite interpellé à tous les travailleurs du ministère de l'Agriculture et Élevage de suivre de près le travail des cultivateurs pour accroître la production. Yvette Nijimbele, parlons infrastructure. À présent, le gouvernement burundais a importé un logiciel permettant de détecter la durabilité des routes qui sont construites ces derniers jours, annonce hier du ministre ayant les infrastructures publiques dans ses attributions lors de la présentation des réalisations de son ministère pour le premier trimestre 2021-2022. Deo Gracias Sanganiumami a précisé que la liste des routes à réhabiliter en cas de la disponibilité des fonds a été confectionnée. On l'écoute. Dans le passé, peut-être que les fonctionnaires et les dirigeants ne mettaient pas beaucoup d'efforts, ou peut-être même les institutions nationales. Mais à l'heure actuelle, l'agence routière du Burundi ARB, aujourd'hui, elle est bien équipée, elle a suffisamment déjà du personnel qualifié, elle a même importé un logiciel pour pouvoir tester la durabilité de la chose. C'est-à-dire que toutes les infrastructures routières que nous construisons aujourd'hui et dans l'avenir, l'ARB est à mesure de contrôler la durabilité. Dans le passé, ce logiciel n'existait pas. Et pour les routes qui ont été abîmées avant le temps, et de façon précoce, nous sommes à l'étape de mener des études et pour pouvoir établir la responsabilité. Si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie, c'est cette partie-là qui doit réparer ces routes-là. S'il s'avère que le gouvernement prenne la responsabilité de réparer, le gouvernement va réparer. Mais si la responsabilité tombe sur l'une ou l'autre partie qui faisait partie de l'aménagement de la construction de ces routes, c'est cette entreprise-là ou son bureau d'études ou sauf ses fonctionnaires dirigeants qui doivent répondre à ces imperfections. Et pour les routes qui datent de longtemps, qui ont été abîmées, qu'est-ce que nous avons prévu au niveau du ministère? C'est les études de faisabilité pour toutes les routes nationales d'abord, qui sont là, qui sont au niveau de la ARB. Donc, au fur et à mesure que nous allons trouver des fonds pour réhabilitation, ces routes-là seront réhabilitées par ordre de priorité. Sinon, les études de faisabilité sont déjà là pour toutes les routes nationales, y compris les plus anciennes. Deo Gracias Nsanganiumwami, ministre burundais ayant les infrastructures dans ses attributions. Rendons-nous cette fois-ci en province Muyinga pour parler de ces enseignants vacataires de ces provinces qui réclament des frais de leurs prestations qu'ils n'ont pas perçues depuis 2016. La direction provinciale de l'éducation, l'on indique que cette question a été soumise aux échelons supérieurs. On demande à ces enseignants d'attendre patiemment le point avec Pierre Claver Barundi. Ils réclament ce qui leur est dû depuis 2016. Il s'agit là des enseignants vacataires de la province de Muyinga qui viennent de passer presque 6 ans sans percevoir les frais de vacation. Révérien Doyezu fait partie de ces derniers. Il réclame 2 millions déjà. Les frais de vacation de 2015 ont été perçus. Mais depuis lors, jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus octroyé ces frais. Présentement, je réclame 2 millions. Ces enseignants demandent que tous ces frais soient débloqués. Nous demandons à l'État qui reconnaît la présence des vacataires de nous donner ses frais en commençant par les arriérés. À la direction provinciale de l'éducation, on fait savoir que la question des vacataires est connue des instances supérieures et on recommande la patience. Leurs numéros de compte ont été transmis à qui de droit, mais on ignore quand ces comptes seront garnis. Des sources de cette DPE indiquent que la province de Muyinga enregistre un déficit d'environ 900 enseignants, raison pour laquelle on doit recourir à de nombreux enseignants vacataires ainsi qu'à des bénévoles. Pierre Claver Barundi, Muyinga, Radio Isanganiro. Merci à Pierre Claver Barundi. Rendons-nous cette fois-ci en province Karusi, c'est au centre du pays pour parler encore une fois agriculture. Les responsables de l'administration provinciale de Karusi et ceux en charge de l'agriculture, élevage et environnement dans cette province s'inquiètent de l'état des infrastructures de développement construites par le projet Prodéfi durant les 5 ans d'activité. C'est le secteur des infrastructures plutôt. Eh bien, ces infrastructures ne sont pas bien entretenues dans certaines localités et marées, aussi en mauvais état lors d'une réunion ce lundi à l'intention des intervenants avec les responsables de ce projet Prodéfi 2 dans la région centre. Ils se sont tous convenus que ces infrastructures doivent être réhabilitées, inventorier toutes les bêtes et sanctionner les coupables. Le point avec Blaise Pascal Kararumi. Le gouverneur de la province Karusi, Karini Mbarushimana, remercie que les réalisations du projet Prodéfi dans la province dont elle est responsable ont permis d'augmenter la production pour la population de Karusi. Elle déplore cependant que les pistes aménagées et réhabilitées par ce même projet sont actuellement en mauvais état, des ponceaux détruits et des herbes poussées dans les pistes dans certaines localités. Elle déplore que les responsables administratifs n'entretiennent pas comme il faut ces pistes. Je signale aussi que certaines constructions des marais qui ont été aménagées sont actuellement défectueuses. Cela est confirmé par le directeur provincial de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement à Karusi, qui indique aussi que les réalisations sont bien visibles au niveau des collines et déplore aussi que certaines des étables et porcheries des bénéficiaires du bétail sont dans un état délabré qui mérite aussi la réhabilitation. Severus Nzovato en a parlé aussi des bénéficiaires des bêtes de la part de ce projet et qui les ont vendus ou les ont mal entretenus en violation du contrat de convention. Ces propos ont été tenus par ces deux autorités provinciales lors d'une réunion de ce lundi au chef-lieu de la province, réunion organisée en collaboration avec la coordination du projet Prodéfi dans la région centre du pays. Le coordinateur régional de ce projet a expliqué que la dite réunion rassemble tous les intervenants pour échanger sur l'état des lieux de toutes les réalisations du projet Prodéfi 2 pour le développement de la population de Karusi et voir ensemble les stratégies à adopter pour la pérennisation des acquis de ce projet. Chizadida signale aussi que le projet prend fin avec cette année en date du 31 décembre. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararumie pour la radio Isanganiro. Merci à Blaise et Pascal Kararumie. Quelques brèves en international avant de clore cette édition. Il y a eu explosion ce mardi dans la capitale ougandaise Kampala et plusieurs personnes ont été blessées selon les premières informations des Ougandais. Et il n'y a pas encore de bilan provisoire, on y reviendra. Et le Ghana a envoyé dès ce lundi 113 policiers en Somalie pour prester au sein de l'AMISOM. Ils ont un mandat d'une année à entraîner les policiers et somaliens. L'Ouganda a rapatrié 5 de ses soldats de la mission de l'Union africaine en Somalie. Vendredi 12 novembre, une cour martiale a reconnu les hommes coupables d'avoir tué cet été 7 civils dans une ville de la Somalie lors des combats intenses avec les Shabab. Selon la RFI, des soldats ont été condamnés à mort. Les 3 autres à 39 ans de prison selon cette fois-ci l'AMISOM. Et Kampala avait déclenché la procédure judiciaire à Mogadiscio en août après les premières allégations de violation des droits de l'homme impliquant ses troupes. Et ils ont été jugés par une cour martiale à Mogadiscio pour le meurtre de 7 civils somaliens. Et voilà, à 13h14 dans les studios de la radio Isanganiro, ainsi s'achève cette édition de la mi-journée de ce mardi 16 novembre. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci également à Séraphine Hakizimana qui a assuré la mise en onde. Merci également à Lydie Gahimbare qui a assuré la réalisation de cette édition. Très bon après-midi. À tous, au revoir.